La vie c'est comme un hérisson sauvage, ça traverse la route et ça se fait écraser. La vie c'est comme un épisode de Sauvé par le Gong, ça finit toujours par se retrouver dans le bureau de Monsieur Bendy. La vie c'est comme une partie de James, on croit avoir gagné quand soudain quelqu'un crie couper James. Coupé James. La vie c'est comme une feuille de papier format A4, c'est comme la moitié du format 3, mais d'où du format 5. La vie c'est comme un tube de sauce tomate, des fois on en prend de là au basique, mais des fois non. La vie c'est comme un livre de Où est Charlie. On cherche Charlie et quand on trouve, on tourne la page. La vie, c'est comme un film avec Forrest Gump. On se demande tout le temps qui va jouer le rôle de Tom Hanks. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On croit prendre la praline, mais c'est un dégueu à la liqueur. La vie, c'est comme une épave de flan. On l'oublie dans le placard et c'est tout moisi avec des asticots. Ah, j'aime pas ça, ça craint, j'ai envie de vomir. La vie c'est comme un lac de mercure, ça a l'air cool mais faut surtout pas se baigner dedans. La vie c'est comme un combat de catch par équipe, y'en a toujours un qui triche pendant que l'arbitre est occupé avec l'autre. Ouais. La vie c'est comme une chanson qui parle de la vie, c'est rempli de sagesse et on peut